Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de hockey de la Ligue Midget Régionale avec notre ami Michael Godreau. Salut Michael. Salut Dan. Michael, on va y aller maintenant. Il y avait deux matchs au cours de la fin de semaine. On va commencer par le premier match qui s'est soldé par une défaite de 4-2 contre les Marquis. Ouais, c'est le premier match de la saison. C'est toujours des petites surprises qui arrivent. En plus de ça, qu'on avait un alignement réduit par les blessures, puis il y a deux joueurs qu'on n'a pas eu la release encore là, la nation crie, fait que ça okay. a été on a fait face à l'adversité de retendre les collines. Ok, donc dans ce match, Mathieu Larouche un but, une passe, de même que Vincent Fournier. Du côté des ambassadeurs, c'est Simon Letourneau au deux buts, c'est ça? Oui, ce match-là. OK. Et dans l'autre match, c'est soldé par une autre défaite, ce coup-là, contre toujours ces mêmes ambassadeurs, toujours contre ces mêmes marquis, c'est-à-dire encore une défaite, ce coup-là. Oui, défaite 6-5, bon match, crime de très bon match, les gars bien sortis. Il y avait une couple de joueurs suspendus, les marquis qui faisaient le retour au jeu. Okay. Ça a apparu, là. Il y avait une équipe différente à la patinoire, très rapide, une très bonne équipe de hockey qui se présente cette année pour les Marquis, là. C'était fun à jouer contre eux, mais on venait 4-2 après 2. On était super contents du déroulement, malgré nos blessures et tout. Fait que, mais si on les Marquis, d'après moi, ça va être une force cette année dans la ligue, là. Ils ont revenu de l'arrière assez rapidement, merci en troisième. Ça a été une grosse période chaudement disputée, mais je suis bien satisfait, moi, de mes petits kids là, versus une bonne équipe comme ça. OK. Donc, c'était surtout le match de lundi, que tu peux dire, le premier match de samedi, c'est-à-dire que tu peux être un petit peu déçu de la rencontre? Ben, tu sais, les gars, ils arrivaient à jouer le fameux football ouais. seul, là. Ils jouaient au football à Jonquière à midi. Fait que là, le voyageage plus le match de foot sont arrivés au match à la dernière minute. C'est pas facile. Une ligne que c'est des PE. Une ligne que c'est, j'avais trois joueurs PE pour ce match-là en plus. Okay. Fait qu'on a starté ça un peu à moins un, si on veut, ce match-là. Mais crime 4-2, là, c'est quand même surprenant là, de ce qu'on a pu livrer malgré tout ces petits bémols-là. OK. En fin de semaine, il se passe quoi avec les ambassadeurs? Cette semaine, deux matchs contre les Basques de Sept-Îles, toujours à la maison. Deux matchs le samedi, il a fallu les accommoder ça un peu pour que les autres puissent retourner chez eux le dimanche. Donc, on joue deux matchs le samedi contre les Basques de Sept-Îles. OK. À Chibougamau, c'est loin à tabarouette pour eux autres? Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment une bonne distance. Ouais, c'est incroyable. On le fait à chaque année aussi. Là. On monte là-bas chaque année. C'est vraiment une bonne distance, mais ça fait partie de la game. On travaille avec ça. OK. Donc, ça veut dire que t'es quoi? C'est 6h30? Ah, de Chibougamau, c'est ça? Ouais, 6h30, 7h. C'est plus que ça, là. OK. C'est plus que ça. Ça nous prend quasiment 4 heures à la chutine en autobus. Fait que c'est un 8-9 heures sorti. Hey, monsieur, c'est pas à côté. C'est vraiment. C'est vraiment pas à côté. En tout cas, faites pas ça en autobus jaune. C'est pas si pire. C'est moins pire. Non. Comment vous faites le tournoi cette année? Est-ce que c'est décidé? Ouais, on fait deux tournois. On fait toujours le tournoi d'Alma qui. Ouais. Super de beaux tournois. Puis cette année, on a fait un nouveau tournoi, on va à Rivière-du-Loup. OK. Il y a un beau tournoi à Midget là avec pas mal d'équipes aussi. On fait seulement ces deux tournois-là. C'est à Benalca qui a un tournoi à Chibougamau, ben On verra là. Puis, okay. Mais sinon, on fait ces deux tournois-là. OK. Ben, un gros merci, Michael. On va se reparler mercredi prochain dans le cadre de la chronique des ambassadeurs. Parfait, Dan, à la semaine prochaine. L'instructeur-chef des ambassadeurs, Michael Gaudreau.